pris les chemins de travers. J'ai trop fait l'école buissonnière pour m'évader, pour m'inventer la vie rêvée que je souhaitais, faite de jeux et d'interdits. Me pardonneras-tu ma mère, mais j'ai toujours été guidé par ces petites voix antérieures qui me suggéraient de consumer la vie par les deux côtés. Ces voix sans cesse me répétaient: Joker devant toi, tu ne sais jamais ce qui vient. Tout reste derrière toi et tu n'emporteras rien. Tu mon père, ta fortune dilapidée sur une partie de poker mal engagée, mal terminée. Toi qui m'avais tant appris que ces jeux se devaient de m'être interdits. Me pardonneras-tu mon père, ta mémoire déshonorée. Moi qui voulais que tu sois fier, j'ai tout joué, j'ai tout perdu. J'ai goûté aux fruits défendus, à tous ces jeux qui m'étaient interdits. Joker devant toi, tu ne sais jamais ce qui vient. Tout reste derrière toi et tu n'emporteras rien. Me pardonneras-tu ma fille le poids de mon triste héritage, moi qui voulais que les étoiles brillent, que tout soit beau dans le paysage. Je ne te laisse que quelques pierres, de quoi jouer aux interdits bancaires. Me pardonneras-tu ma fille lorsqu'un beau jour tu comprendras que je ne suis qu'un sombre imbécile, même si tu m'appelais papa. J'espère que tu ne suivras pas ma voix, que jamais tu ne l'entendras te chanter Joker devant toi. Tu ne sais jamais ce qui vient et tout reste derrière toi et tu n'emporteras rien. Tu n'emporteras rien. Tu n'emporteras rien.